émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial joke. Et oui, déjà pratiquement 20h juste après la grosse interview de 50 Cent avec Emric. À l'instant, il est temps de recevoir celui qui est numéro 1 actuellement. Jokeezy. Jokeezy. Seul unique. Alias Joke avec son album Ateyaba. Comment ça va, Joke? Au calme. Au calme. En forme. Tout le temps en forme. Tout va bien, ça se passe bien, numéro 1, je disais, depuis ce matin. Ouais, c'est bien. Hein. Album Ateyaba. On va dire d'ailleurs tout de suite un mot sur Ateyaba. C'est quoi? C'est un prénom, Ateyaba, à l'origine? Ateyaba, c'est mon prénom. C'est ton prénom, c'est, hein? C'est mon prénom et c'est le prénom de mon grand-père, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est voilà, un petit clin d'œil. C'est ça. Petit souvenir. Et puis, bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que la pochette, c'est. Donc, c'est toi aussi. C'est moi, a priori. C'est moi, bébé, sur la pochette. Ouais. Voilà, pour tous ceux qui voulaient savoir. Donc, Ateyaba, c'est le prénom de Joke là toute la semaine entre 20 et 21. On est content de te recevoir avec ce bel album. Ça me fait plaisir aussi. On va pouvoir le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ouais. Pour ceux qui l'ont. La semaine, là, on va faire du live. N'hésitez pas. Écouter des sons. Tu vas faire du live ce soir aussi, t'attaques. Ce soir, ouais. Dès ce soir. Dès ce soir, direct. Et dites-nous un peu quels sont vos morceaux préférés. Allez-y avec le hashtag Joke sur Skyrock. Vous les balancez 41759. Hashtag Joke sur Skyrock. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Joke, le mieux c'est d'écouter un petit medley de ces sons. On a fait une petite sélection de ce que tu as pu sortir auparavant et ça donne ça. Come on, you're ready? Skyrock. C'est fini les parfums, vous voulez bien plus ça à faire, je fais ça pour mes gars, m'amène un peu de temps à perdre. C'est fini les parfums, vous voulez bien plus ça à faire, je fais ça pour mes gars, m'amène un peu de temps à perdre. Je viens pisser dans ta foie, c'est des mots qui dorment. Croise-moi la couronne, les 14 Louis, 15 Louis, 16 dans le club team. Les 14 Louis, 15 Louis, 16 dans le Skyrock. Django mon négro, c'est ce que t'as à faire. Shoot les négros qui se mêlent nos affaires. Les négros ont la haine quand ils voient la Rolex. Je m'éloigne vite de tous ces renois malhonnêtes. Si je t'attaque, je détruis ta carrière. J'ai pris ma boîte retard chez ta cassière. Je suis dans cette tasse comme ce qu'il y a dans les quartiers. Je les ai avertis, mais les négros ne veulent pas celle. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Moi je vais me faire prendre un aller sans pouvoir venir. Skyrock. Voilà, petit aperçu rapide de la carrière discographique de Joe, qui à un moment tu me disais dès le début, putain mais ça c'est 2009. J'avais oublié le son carrément. Tu l'avais oublié celui-ci là au tout début du... 2009, enregistré en 2008. En 2008, ouais. Ça date de fou. Comme quoi la carrière n'est pas toute neuve non plus, il y a eu tout un boulot en amont. Beaucoup de boulot. Avant d'arriver à ça. Donc je suis content d'arriver à mon premier album. C'est, on va dire, une consécration, quoi. Bon, il y avait des EP prometteurs, j'ai envie de dire. Il y avait eu Kyoto, Tokyo. Tokyo, d'ailleurs, on a fait un Planète Rap pour Tokyo. On avait fait un Planète Rap pour Tokyo. Et puis là, c'est vrai que depuis aujourd'hui, il y a Ateyaba. Ateyaba dans les bacs sur iTunes, numéro 1. Est-ce que tu es fier de cet album, de ce premier album? Je suis très fier de cet album. Tous les morceaux qu'il y a dedans, je valide tout, en fait. Autant les projets d'avant, tu vois, c'était un peu plus. Je me suis plus lâché. Pas lâché dans le travail, hein. Mais j'étais pas trop. Je me suis pas trop fait chier, en fait, pour faire les sons, tu vois. Mais là, j'ai tout donné, quoi. Bon, les sons, on peut dire, j'ai déjà une partie des producteurs qui sont là aussi. Il y a Blastar qui est là. Blastar qui est là autour de la table, le célèbre Blastar qui devient un peu. Le célèbre. Qui devient un peu l'invité régulièrement, tellement il signe de prod, de carton. De tubes. Ça va bien, Blastar? Ouais, ça va, hein, bien. En pleine forme? Ouais. Est-ce que toi aussi t'es content et t'es fier de ce projet? Ouais, bien sûr. Surtout que quand je fais le flashback, je me rappelle que Duke, je l'avais rencontré en 2011. Mm-hmm. Lui, c'était sur Paris. Et je lui ai dit, je vais te présenter à Oumar. On va t'amener du point A au point Z. Et là, on est au point Z. Bah, après, il y a d'autres lettres de l'alphabet à atteindre. Parce que là, c'est que le début. Bah là, c'est uniquement l'alphabet français. Donc, si après, voilà. Si tu fais le tour, t'en as d'autres. Exactement. L'alphabet égyptien, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc ouais, c'est une belle fierté, quoi. Super fier, vraiment fier. Bah toi, c'était ta première rencontre, en fait. C'est Blastar qui, à un moment, te présente à Oumar. Ouais, c'est Blastar qui nous a linké, en fait. C'est Blastar qui m'a contacté en premier. Il m'a envoyé des prods, tout ça, pour qu'on bosse ensemble. Après, on s'est vu sur Paris, parce que moi, je suis de Montpellier à la base. Donc on s'est vu sur Paris et il m'a montré un peu à l'équipe GMG, dont Oumar.

Toi, tu as entendu parler de lui, tu sais déjà un peu. J'avoue, je briefe un peu. Je l'ai briefé un peu. T'as briefé Oumar ? Non, toi. En fait, ils se sont briefés eux d'abord. Il t'a dit ce qu'il fallait prendre à bouffer au quick ou pas ? C'est ce qui passait ou ce qui passait pas ? Non, je me suis servi avant. D'accord. Non, mais en fait, comment ça s'est passé ? Le rendez-vous, ça s'est bien passé parce que j'avais déjà écouté au préalable un peu tout ce qu'il faisait. Bon, toi, il faut rappeler qu'à l'époque, t'as déjà ta structure. Ouais, voilà, qui existait déjà. Qui existait déjà. Où il y a des, bah, il y a des producteurs comme Blastar, il y a des gens. Voilà, je bossais aussi à l'époque, Hulk Henry, Kennedy, j'avais déjà plusieurs artistes. Donc, à ce moment-là, quand je fais le rendez-vous, la seule chose que je lui dis, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Je lui disais. Je m'en rappelle pas trop. Mais... Ah ouais? Je m'en rappelle, c'est pas chaud ça. Non, en fait, on se disait que le but c'était de réussir à faire un truc. Le but c'était de tout niquer, tu vois. On se le dit tout de suite. Ça oui, je m'en rappelle. Ça on se le dit tout de suite, c'est-à-dire que on s'est dit que si on bosse ensemble, c'est pour faire un truc et vraiment aller au bout, tu vois. Parce que c'est vrai que ça soit lui ou moi, on est beaucoup inspiré aussi de ce qui se fait aux États-Unis, tu vois. Et il y a pas que la musique, tu vois. C'était aussi le business, la façon de voir le truc, tu vois. Et arriver avec un univers fort, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que moi, je lui ai fait comprendre que un des ou major, moi, j'en ai posé. Comme on dit, mes couilles, tu vois. Non. Donc c'est sur la table. Au quick, au premier étage. Normalement. Évidemment. Évidemment. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai laissé à poser sur la table. Voilà. 8 couilles comme ça. Pas évident. 6. Ah ouais. C'est pas facile. Hein. Non, et puis voilà quoi, tu vois. Je sais que quand on s'est croisé par exemple. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce que toi, tu vois forcément beaucoup de monde déjà à cette époque. Tu vois beaucoup de rappeurs, tu vois beaucoup de gens bien qui sûr, de rapper. Bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'il fait qu'à un moment. Qu'est-ce, voilà, qu'est-ce qu'il fait qu'à un moment. Parce qu'il est jeune, il a la vingtaine quand tu le vois. Ouais, c'est ça. Après, moi, ça vient aussi de mon côté un peu. Où je me dis, quand personne n'y croit. Moi j'y crois toujours un peu, tu vois. C'est-à-dire je suis un peu le genre de producteur qui va toujours vers des artistes un peu chelous à la base. Tu vois, quand j'ai signé Joke, ils me l'ont mélangé avec du ils me l'ont comparé à tout le monde, de Wiz Khalifa en passant par tout le monde. Les gens, ils n'avaient pas cerné où on voulait aller, tu vois. Ah oui, c'était, il faut toujours trouver une référence, c'est-à-dire voilà, que, voilà, c'est ça. Toujours alors dire que nous, on savait qu'on était pas du tout dans cette direction. Et après, je me rappelle juste d'un truc, c'est que quand il a appelé son projet Kyoto, je lui dis t'inquiète pas, on va aller au Japon, on va aller clipper là-bas. Et on est allé. Et vous l'avez fait. Ça m'a coûté une solia, mais on a fait. Alors après, quand le deuxième projet, t'as dit je vais l'appeler Kyoto, tu t'es dit oh putain, ouais, chier avec son Japon. Tokyo, j'ai dit bon, ok. On va devoir y aller. Hein. Et on est allé, on a fait deux clips là-bas. En même temps, sur Ateyaba, il y a moins ces références-là, justement. C'est vrai que t'étais. Il n'y a pas du tout ces références-là, mais là, c'est plus. Il y a plus des références au Blade. C'est plus personnel en fait. Ouais. Comme c'est l'album, là j'ai essayé de faire un truc personnel. Donc c'est plus des références au Blade, à ma famille. C'est un truc. On va rappeler que toi tes origines c'est quoi ? Togo ? Je suis togolais. Togolais, hein, c'est ça. Ma mère est togolaise et mon père espagnol. Voilà. Voilà. Donc revenons un peu là-dessus. Donc Oumar, tu le rencontres, tu signes, ça accroche. Et voilà, et l'idée c'est, voilà, sur les jeunes artistes comme Joke, c'est développer l'univers. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'ils ont déjà, parce que t'as rien inventé non plus. Enfin, t'arrives avec ton univers. C'est pas, ouais, c'est pas un personnage. Vous avez pas façonné un personnage. Non. La seule chose que qu'on a travaillé un peu plus, tu vois, c'est vraiment ce côté rap, parce qu'en France, malheureusement, t'as toujours besoin d'avoir, on va dire. Le rap, la fanbase, tu vois. C'est-à-dire que lui, il avait déjà tout ce qui va autour. Et nous, on l'a juste, on va dire, renforcé au niveau du rap un peu plus street, tu vois. Mais il avait déjà l'envie de le faire. Parce que moi, quand je l'ai signé, il avait déjà fait Triomphe, par exemple. Tu vois, il l'a pas fait avec moi, il l'a fait avant. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà un truc qu'il voulait faire. Et nous, on l'a juste aidé à tu vois, on l'a accompagné à, on va dire, à bien renforcer ce truc-là, tu vois. Mais sinon, à part ça, même en studio, moi, quand il enregistre, je suis rarement là, tu vois. Je le laisse beaucoup, c'est assez libre. Il me fait souvent écouter après, on en discute. Et ouais, bon, c'est vraiment ses trucs à lui, quoi. Il a été dur, d'ailleurs, ou pas, faire cet album pour toi, Joke? Non, ça n'a pas été dur. En fait, c'était compliqué dans le sens où j'ai voulu faire beaucoup de morceaux. C'est moi qui me suis mis ce défi-là. La pression. Morceaux. Limite, la dernière semaine, je crois, j'ai enregistré 4 morceaux, quoi. J'ai écrit enregistré 4 morceaux la dernière semaine. Mais ça n'a pas été dur... Ni psychologiquement ni physiquement, ça a été un plaisir. Je fais ça avec plaisir. J'aime la musique, puis c'était mon premier album. Je l'attends depuis mon premier projet, depuis que j'ai commencé en 2008 à enregistrer. Et pour moi, j'attendais que ça. Bon, là, il est là, numéro un aussi, parce qu'on peut évidemment le commander de manière digitale, donc récupérer. Moi, j'ai la version album, la version physique, mais on peut récupérer directement en digital. Et c'est numéro un pour l'instant, donc ça marche plutôt fort. Et on va écouter un autre morceau, tiens, de Ateyaba avant de continuer. On va écouter un gros sommoir là. Ça va être Black Card et sur une Pusha T. Pusha T, ouais, dessus. Donc ça, pareil, le Pusha T, de Pusha récupérer T, sur l'album, c'est ouais, c'est un truc fort, je trouve. Parce que c'est un mec que j'écoutais quand j'étais petit, à l'époque des clips. Il y avait le morceau Grinding qui passait sur MTV, je regardais ça. Et d'arriver maintenant, là, en 2014, à faire un feat avec un mec comme ça, c'est fort. Je trouve que c'est fort. En plus, le morceau, il est sale, donc. Bon, on l'écoute. Faut balancer. Black Card. C'est parti. Mes négros sont dans la place comme Rosa Parks. J'ai le génie, la taille, la nation de Bonaparte. Nique sa mère, le rap, vive les chats et Black Card. Ils veulent nous voir souffrir comme tous ces bâtards. Mamine et moi, on tape d'arrache-pied. Comme Vania, on veut le million, on fourre en toutes ses aspects. Là, j'ai océan de billets, c'est ce que j'appelle brasser. Marie-toi à la rue, t'auras pas de bague, t'auras le bracelet. Neguin, konnichiwa, namaste. Dis merci, j'ai pas de papa, vas-y, j'peux prendre l'été ou me faire sucer sur ma raste. Rien que ta gueule est full seule. Ma chérie, tu sais que ma Eve va pas sucer toute seule. J'pourra te lever à 7h ou à 5h. L'avenir appartient qu'à un seul négro dans le secteur. J'baise la fille, la mère, la sœur, cet enculé d'inspecteur. Tu fais le gâteau jusqu'à ce que tu prennes un coup d'extincteur. Nigger, j'te baisse devant la glace. Nique sa race, Candyman. Candyman, j'te baisse devant la glace. Nique sa race, Candyman. J'te baisse devant la glace. Nique sa race, Candyman. Flow killer, no nigga fucking with the boy. Album of the year, dope dealers jump for joy. Inspired as they paddle shifting in they foreign toys. Listening to the realest nigga making all the noise. My name is my name, Kane is to blame. Slave to the kilo, the chain still remains. Yeah, the good music kingpin. Window of opportunity is really shrinking. Trigger finger steady, let these hollows sink in. You need an army to test them, the fuck what you thinking? I done seen it all, done it all. Shot with every jeweler, sold a ton of raw. Had the Frank Mueller with the bezel thaw. My double pump days had to saw the metal off. Yeah, it's a life of crime. They say it in their raps, but this life is mine. Bouge pas, j'ai ta tête dans la lunette. Rare comme un diamant français qui vient pas du bled. Mes négros peuvent faire toutes sortes de salles pour des euros. Mes négros peuvent faire toutes sortes de salles pour des euros. Bâtard, charbonne pour ma black card. L'état français nous doit une black card. C'est l'argent, le cercle ou le black card. Mes blancs, mes noirs, mes chinois veulent leur black card. Yeah. Le rap du creuse, ça tombe à mesure que je creuse ma tête. Les anciens veulent renaître, autant que je veux te la mettre. Pour copier font un patron, Renoir c'est moi le patron. T'as pas besoin d'être Michel-Ange pour que ton cerveau repeigne le plafond. Je me suis levé hier tellement je me suis levé très tôt. Et vu ce que je vous prépare, je crois que je vais devoir me coucher très tôt. Hey. J'ai glissé ta paire de hashtag joke sur Skyrock sur Twitter. Donc je les dois. Et tu connais la suite. Mon négro. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Joke et donc Pusha T qui est présent aussi sur l'album de Joke. C'est ça, il y a Pusha T, il y a Bips, mon négro à gauche, qui est là. Il y a Titan qui est là aussi, il y a Jenaïko et mon gars Dossé aussi. Qui est une chanteuse, Jenaïko. Jenaïko, c'est une chanteuse jolie chanteuse, très talentueuse, qui est sur l'album de Drake aussi. Ouais, qui a fait beaucoup de morceaux d'ailleurs avec Drake. Elle a fait des morceaux avec Kendrick, beaucoup de morceaux avec Kendrick, Schoolboy Q, tout ça aussi, l'équipe TD. Et puis désormais avec Joke. Avec Joke aussi. Avec Joke. On la retrouve sur l'album Ateyaba. Et puis sinon, il y a plein de morceaux à toi. Des morceaux, c'est vrai qu'il y a Vénus qui tourne sur Skyrock, mais il y a des morceaux un peu plus intimes aussi. Il n'y a pas que de l'ego trip. Il n'y a pas que de l'ego trip. Je me suis, entre guillemets, livré. C'est pas livré, mais c'est des trucs qui me tenaient à cœur, tu vois. Donc il y a des morceaux comme Ateyaba. Enfin, il y a un morceau comme Ateyaba, quoi. Il y a Ateyaba qui est spécial dans l'album, où je me livre un peu. C'est un de mes morceaux préférés dans l'album d'ailleurs. C'est quoi? C'est les morceaux plus compliqués à écrire, ceux-là, justement? Non, même pas. Même pas. Celui-là, je l'ai écrit, enregistré en 2 heures, je crois. Je savais ce que j'allais faire. Je savais ce que je voulais dire, donc ça a été rapide. Et sinon, pour les autres titres, il y en a certains où tu t'es dit, voilà, par exemple, celui-ci avec Pusha T, le Black Card. En fait, le Black Card, c'est le premier couplet que j'ai écrit de l'album. Donc ah, celui-là, là, j'avais un genre de pression parce qu'il fallait que je passe un next level pour l'album, tu vois. Donc je me suis pris un peu la tête pour écrire le premier couplet. Mais après tous les autres couplets, tu sais quoi, j'étais tellement en retard Je me suis dit nique sa mère, rien que je kiffe. En retard sur l'enregistrement, c'est ça? Tu voyais les jours défiler, tu disais bon. Ouais, non, c'était une dinguerie. Comme je t'ai dit, j'enregistrais 4 morceaux la dernière semaine. D'habitude en même temps. Ouais, tout le temps. Mais dû à quoi? C'est pas un manque d'inspiration, c'est non, pas. Non, c'est pas un manque d'inspiration. C'est aussi moi aussi, je vais faire beaucoup de morceaux. Donc ça me force à me presser aussi, tu vois. Et puis, il faut du temps pour se mettre dans le travail, quoi. C'est tout. Mais là, ça y est, t'y es? J'y suis, à fond. Bon, t'écris encore ou là tu... Non, j'arrête, je vais écrire là, cette semaine, je crois. Tranquille, là, un peu. Non, tu non, souffles non, un peu. Je souffle pas beaucoup. Non, faut pas trop souffler. D'accord. Bon, on écoutera un autre morceau dans un instant. Tu vas faire le choix. Il y aura aussi du live à pas louper. Yes, Major en l'air. Major en l'air dans... Ben, ça, c'est un des, pareil, un des premiers titres qui est arrivé, celui-ci. Ouais, ouais, ouais. C'est le premier, entre guillemets, vrai extrait de l'album. Parce qu'avant, il y a eu... Il y a eu Miley. Il y a eu Miley et Sphinx qui n'étaient pas vraiment censés être dans l'album. Finalement, ils se sont retrouvés. Ouais. Miley avec Dossé. Avec Dossé, c'est ça. Et Sphinx avec Seth Gecko et Rimka. Donc, c'était vraiment l'extrait qui a été clippé, tout ça, qui a fait que les choses sont parties un peu en couille. Quoi. C'est ça. Bon, on les retrouve en tout cas sur l'album et on passera donc ce morceau qui s'appelle Majeur en l'air dans quelques minutes. C'est ça, produit par Thérapie. Bougez pas, ça arrive sur Skyrock, le retour de Joke, le retour de Planet Rap. Et puis autre exclu dans un instant, un morceau qui est dispo en préco aussi aujourd'hui, c'est le morceau de Alonso, des Psychiatres de la Rime. On va pouvoir le découvrir dans un instant, vous pourrez réagir aussi avec le hashtag Skyrock, le hashtag Planet Rap et le hashtag Joke sur Skyrock, en l'occurrence pour l'album Ateyaba qui est lui dans les bacs depuis aujourd'hui. Des Psychiatres de la Rime à l'instant, La Belle Ville, c'est le nom de ce morceau. Le clip est sorti et le EP 4 titres arrive la semaine prochaine. À peu près commandé déjà. Alonso des Psychiatres de la Rime qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock dans le Planet Rap de Joke. Notre invité. Ah, t'as changé de place, je me dis. Au calme. Ah oui, c'est un petit. Je me téléporte. Ouais, tu t'es téléporté d'un seul coup. Bon, Ateyaba est dans les bacs depuis aujourd'hui, depuis ce matin. Depuis ce matin. On peut y aller. Numéro 1 sur iTunes. Ouais. Faut continuer de supporter. Et dites-nous un peu vos morceaux préférés, les morceaux qui ressortent le plus. Allez-y, vous balancez au 41759 avec le hashtag Joke sur Skyrock. On mettra un morceau dans quelques minutes. On va envoyer. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs, ça arrive juste avant. Je te présente Yas de Bordeaux. Salut Yas. Yo yo yo. Bien. Yo yo yo. Ça va Yas? Yo, ça va, la forme. Et toi, tu connais Joke? Ouais, bien sûr. Je suis depuis le début. Ah ouais? Une tuerie l'album, une tuerie. Ah si, merde. Tu as récupéré ton Ateyaba toi aussi? Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est vrai, c'est vrai. En physique ou en digital? Comment? En physique ou en digital? En physique. Aïe. Matin, à la Fnac. Très bien, c'est bien, c'est bon. Il est. Ah, vrai. Yass, il a pas perdu du temps. Il y a été direct dès ce matin. Bon, on va t'écouter rapper maintenant, Yass. C'est parti. Pas de soucis. Allez, session freestyle par téléphone, on y va. Yo. Écoute, c'est YK2S, ouais. Yo. Joe Kizzy. J'avance et le ciment se dégrade. Le silence est flippant comme ma Belgrade. Je finance mes dépenses au premier grade. Je suis, j'y pense et j'hallucine. Charlie m'attend et ça me fait rire. Marre de l'attendre donc je gratte des lignes. Car partout temps je crame des sticks. Là je rappe, souvent je tape dans le mic. Toujours présent ce putain de hic. Rien de plus stressant, j'ai pas d'inspi. J'ai que mon gros split. On rêve d'un hit, nique ton co-hit. Et ton vieux chip, millions de prostites. Visons, coccyx, frions, zopires. Qui bon chérir ta chérie ou son profil. Atterri, le monde est petit. Atterri, risque des périls. Atémi quand j'étais petit. L'ami, le cadet de mes soucis. Jamais soucieux, beaucoup j'envie encore. J'en veux, deviens nerveux mais je reste soucieux. Éprouve que les wacks mangent des claques. Les macques sont que de passage. Là, j'ai besoin de massage. Hier moins car rien, je massagis en pleine. Si t'es gentil, si j'entre en scène. Bruce Willis, débrouille. Si mis à récidive, un récidive. Oui, t'es resti en compagnie de rimes précises. Imperfective d'un beat analogique. En fait, j'esquive les ancêtres, les filtres, les jambettes, les dix, et j'empête les glisses, car j'empête des spliffs. Hein, et tu vois que ce n'est que l'entête. Je suis comme ce forcené, je m'entête. Comme un nouveau-né, j'en fais qu'à ma tête. Quand il s'agit de dette ou de pépette, mais tout le monde se chie dessus. Quand on parle perpète, de compète, de terpète, de gonflette, ils sont gonflés, c'est des mauviettes. Je renie la tablette, bute sur sa tablette, et tue sur sa barrette. Hein, et rue dans les toilettes des boîtes de nuit. C'est moche, je te le dis, comme claquette. plus chaussettes. Va à l'abri, on risque de traquettes. Au point d'en perdre ton survêt. Mec, ce monde est surfait. Passe trop de temps à surfer. C'est pas des rampes, tu frustrées. Je me détends offusqué, je redescends trop brusqué, trop choqué. À vue, la réalité, faut faire. Ok, à l'instant Yass de Bordeaux en freestyle dans Planète Rap. Au calme, hein. Cool. Merci à toi Yass. Comment? T'as ton petit flow, c'est calme. C'est chaud. C'est cool, merci, c'était kiff. Bon Yass, on peut te retrouver où? Sur le net quelque part, vas-y balance. Ouais, sur ma chaîne YouTube, donc YA2S, donc YASS, vous me trouvez sur YouTube, donc y'a pas de soucis, hein. Y'a moyen de pas. Allô? On l'a perdu. On a perdu Yass qui, je crois, voulait passer des dédicaces. C'est le réseau, coupé. Ça, c'est Skyrock. Il est parti, Yass. C'est Skyrock qui a coupé, c'est pas le réseau, ça. C'est Fab, t'as coupé? T'as pas osé faire ça. T'allais faire les dédicaces. C'est pas facile, hein. Ouais, il est en fin de la mort. Ouais, bon, Yass. On va récupérer, il repassera là dans les jours qui viennent. Il nous fera ses dédicaces, Yass. Dédicaces à toi. Toutes nos excuses, Yass, de Bordeaux, qu'on avait à l'instant sur Skyrock, là, c'est Joke, de Montpellier. De Montpellier. Très belle ville, tout va bien. Tu vis encore ou t'es souvent sur Paris, là, maintenant? Je suis souvent sur Paris, mais j'habite à Montpellier, quand même. T'en as fait un morceau, d'ailleurs, qui s'appelle Paris. Ouais. Sur l'album, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ateyaba. C'est moi qui fais l'instru de ce morceau, en plus. Ah, t'as bossé aussi sur l'instru? J'ai fait l'instru de ce morceau, et après, en studio avec Blastar, on a un peu arrangé le truc, quoi. Un peu, ouais. Ça c'est quoi? C'est une expérience que t'as envie de faire depuis un moment aussi, de produire non, des sons? Non, en fait le truc c'est que déjà quand j'étais petit, je crois vers 13-14 ans, j'essayais de produire des trucs. Mais bon, j'ai vite lâché l'affaire et en fait j'aime la prod. J'aime les instrus, j'aime beaucoup ça. Limite presque plus que le rap, tu vois. Donc des fois quand il y a des sons qui me plaisent, tu les mets de côté? Je les mets de côté. Des fois j'envoie ça à des producteurs, des fois j'essaie de m'en charger moi-même, c'est tout. Et là je m'en suis chargé. Donc là c'est aussi sur l'album, c'est ce qu'on retrouve. T'as un peu tout fait aussi sur l'album, tout ce qui est visuel, parce que c'est vrai que t'as un univers visuel fort, on l'a vu, il y a eu des clips. Au niveau visuel en fait c'est mon gars Kiddy Ben en fait, qui a fait cette pochette, qui a fait la pochette de Tokyo et la pochette de Kyoto. Bendo. En fait on travaille ensemble. Bendo, ouais. On travaille ensemble en fait sur toutes les pochettes. Mais c'est quelque chose auquel t'es attaché justement, bien sûr, l'image visuelle, ben pour moi c'est l'univers qui a. C'est limite aussi important que la musique. Parce que tu peux pas arriver. Si tu rappes bien, t'arrives avec une image pétée, ben c'est quoi, tu vois. C'est logique, je sais pas. Mais c'est quelque chose, non, mais c'est important aussi de le dire dans et surtout dans le rap, Oumar, je pense que tu diras pas le contraire, c'est bien d'arriver aussi avec un univers fort, ouais, d'avoir une vision de sa musique, alors évidemment sur disque est quand même le plus important, mais aussi l'image aussi c'est important en termes d'image. L'image ouais, mais l'univers je pense pas que je le travaille pas. L'univers j'essaye de faire ce qui me plaît, c'est tout. Je pense que l'univers c'est l'univers que j'ai dans ma tête, quoi. J'essaye pas de créer un univers autour de moi, quoi. Bon, en tout cas tu déclenches plein de créations. Et pour preuve, il y a deux jeunes filles derrière qui sont dans le studio. Okay. Je sais pas si t'as eu l'occasion de discuter avec elles. Non, salut. Donc une jeune fille qui s'appelle Élise. Élise, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir le cadeau que tu as? Il y a un cadeau pour toi, Joke. Voilà, c'est le petit cadeau qu'Élise a fait. Non, quand je te disais sur le visuel et sur ce que tu peux déclencher et amener aussi chez les gens. Donc t'es infographie, c'est ça, Élise? Elle fait des illustrations. Surprise comme ça. C'est une petite surprise pour toi. Et elle t'a fait une illustration, Joke. On peut la voir, c'est, alors pour ceux qui ont les images, sinon je vais essayer de vous la décrire le mieux possible. Mais sinon, les images sont disponibles sur skyrock.fm. Shit. Voilà, de tout l'univers de Joke. Alors tu peux expliquer un peu, Joke, ou alors toi, Élise, tiens, viens nous dire un petit mot. C'est quoi, comment on appelle ce que tu as fait? Donc là, c'est une illustration en fait. Il y a pas des Chun-Li, tout ça. Donc en fait, c'est le. Donc il y a l'univers japonais aussi, côté manga. Déjà parce que dans la chanson, il parle des femmes, tout ça, donc j'étais obligée de l'entourer de femmes. Après, j'ai choisi deux personnages, enfin, c'est le même personnage mais différent. C'est Chun-Li de Street Fighter pour l'univers japonais, tout ça. Et il y a Kyoto et Tokyo, c'est dans EP. Parce que bon, après, je vais pas vous faire une culture sur le Japon, tout ça, mais voilà, c'est ce qui l'entoure, c'est un univers. J'ai choisi la couleur violette. Et toi, c'est quoi, c'est ce qui t'a inspiré? C'est justement lui, son univers, sa musique? Je m'inspire des personnes que je dessine. Donc là, voilà, j'ai essayé de m'inspirer au mieux de lui. J'ai choisi la couleur violette parce que ton album, tout ça, tout était en violet et tout. Et j'ai essayé de te faire au mieux. Eh ben voilà. Écoute, bravo Élie, j'ai envie de qu'on t'applaudisse, parce que. Bravo. Non mais je trouve ça pas mal, tu vois, je trouve ça vraiment bien. Tu les offres ou on le garde? Ah non, c'est pour lui. Ah bah voilà. Installe-toi Élise, il va le prendre après. Tu vois, quand je disais le visuel est important, voilà, ça peut aussi créer, donner des. Bah c'est bien, ça fait plaisir. Des vocations aux gens. Ça fait plaisir, si ça inspire des gens, c'est tant mieux. Et bon, on va voir si ce morceau inspire des gens. Le morceau qu'on écoute maintenant, il s'appelle On est sur les nerfs. On est sur les nerfs, produit par mon gars Ikaz. Ah, Ikaz. Allez, c'est parti sur Skyrock. C'est Joke, notre invité toute la semaine. L'album est dans les bacs. Pour réagir, Joke sur Skyrock, sur Twitter. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit somme. Te coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du deblé. Armé, prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D. Gravé sur les billets en revêt. C'est plus que tu peux, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. J'explique un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. Je baisse un peu le micro, s'il te plaît. On est sur les nerfs. Yeah. Ramène ta biche, je la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. Je sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une nasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. Je suis dans un club, pas échange, juste en taille des puits. Dans les fumoirs, je vois des couleurs dans les couloirs. Tous mes négros sont allumés. Tape quoi cette merde, c'est une toile du nez. Le loup-garou est ma lune. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. Paris sur les nerfs, Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur personne les nerfs. Ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis, hein. J'ai pas des idées bien placées. Mais parle plus du passé, je les ai dépassés. Veste matelassée, fracassé. Fermard, j'ai la pas de lacet. Dans le carré, je regarde les tasses, ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanaser. Cette petite prendra cher, c'est touche à cette dick. Je suis au top dans ma loge. Et dans les loges maçonniques. Et on quitte cette boîte. Si ta pointe est encore nette, chérie, je vais m'occuper de cette chatte. Comme Farid de la Morlaine. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. Farid sur les nerfs, MTP est sur les nerfs. MTP, motherfucker. On est sur les nerfs à l'instant, c'est extrait de cet album, premier album pour Joke qu'on va découvrir toute la semaine, l'album qui est déjà dispo un peu partout. On peut par exemple, si vous avez kiffé sur tous les morceaux, le commander tout de suite en cliquant. C'est numéro 1, vous allez le trouver super facilement. Ateyaba, l'album de Joke à découvrir, et ceux qui aiment bien aussi le visuel, justement tout l'univers est retracé avec avec les photos, avec le petit livret, cette couleur violette aussi. Tout est en violet. Joke, notre invité sur Skyrock. Est-ce qu'on passe au live maintenant, Joke? Direct là? Ou tu veux remettre un morceau comme tu veux? Tu choisis. On a du temps encore, non? On a le titre aussi avec Rimka, on avait promis le morceau avec Seth Gecko et Rimka. Moi je vais bien balancer ça. Hein. Celui-ci? Ouais. Et bah, très on bien. Balance Sphinx. Sphinx? Tu veux nous dire un mot sur ce morceau, Sphinx? Sphinx, en fait ça s'est fait avec. C'est Richie à la prod. Richie Beats, qui a fait 4 prods sur l'album. Il a fait Jen Selter, il a fait New Jack City, il a fait French Riviera avec Jinaiko. Et ce morceau-là, en fait, ça s'est fait un peu en mode freestyle. J'étais avec Richie en studio, il bossait sur le beat juste de la prod. Et j'ai commencé à écrire et ça s'est fait. Et Seth Gecko, Rimka, le choix justement des invités sur ce morceau? Parce que c'est des artistes que je kiffe et que j'écoutais beaucoup aussi quand j'étais petit. Mmh. Je crois qu'en fait, l'album de 113, c'est le premier album de rap français que j'ai acheté. Le Prince de la Ville, ouais. Je crois, et j'ai oublié de le dire ça, j'oublie tout le temps. Classique. Mais c'est un des premiers albums de rap français que j'ai acheté, le premier. Et Seth Gecko, j'ai beaucoup écouté aussi, Drive-By en caravane, tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez fou, 113 d'ailleurs. Bah tiens, peut-être que Blastar aussi, tu peux dire un mot, toi, plus au niveau des prods. Alors il y avait DJ Mehdi sur le premier et tout, mais quand t'écoutes encore cet album, tu te dis. Ça, c'est un classique. Truc qui a pas vieilli, quoi. Les morceaux, il y a quand même peu de morceaux qui ont vieilli sur cet album, quoi. Ah non, mais c'est. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et puis ça leur a donné une identité aussi au 113, et maintenant, voilà, c'est. Les gens, quoi. Donc ça toi, ouais, pas qu'il c'est des artistes que. Ouais, c'est moi aussi, beaucoup, ça m'étonne en fait. Pas en fait. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi un lien, voilà, en termes de musicalité. Après, les paroles, c'est aussi autre chose, c'est un autre univers, mais c'est vrai qu'en termes de musicalité, ça m'étonne pas que t'aies pu saigner cet album à un moment ou à un autre. C'est un bon album de rap français, donc moi, tout ce qui est bon, je suis dedans. Bon, bah, Rimka et Seth Gecko, en tout cas, ils sont aussi avec toi. Pardon, tu aurais dû rajouter dièse no homo. Ouais, dièse no homo. Voilà. Là, c'était méga important, là. Allez, on écoute Rimka, Seth Gecko avec Joke ensemble sur ce morceau. C'est sur Skyrock. Lomé, ma fuck. Pharaon. Je suis dedans. Dans la pyramide, ma fuck. Boujou, c'est quoi les bails? Je les frappe, je vois les chats, vite, je sors le fofo. J'ai doux comme des alocos. Parle pas de moi s'il y a pas de Togo. J'ai un torrent de mouille sur la verge. Je vois des négros sur la verge. Ils sont comment les mots se marient. On dirait qu'ils ont vu la guerre. Dis-moi pourquoi t'hésites, mets du temps. Tu peux rien contre des mutants. Ah bon. J'ai la chance de l'expert. J'ai la chance du débutant. Si ta biche se laisse faire, c'est pas entièrement de ma faute. J'te jure que mon pote est capable de sauter cette salle, saute son capote. Sans capote frère. Pas facile tous les jours pour les négros qui vivent en France. Tu sais que je parle c'est de toi dans le chômage. Rien dans une ruelle, je lui enfonce. J'attends que l'État m'attrape, que le juge me prononce la sentence. Passe dans le sale sur les noirs, nique sa mère la repentance, nègre. Pas facile tous les jours pour les négros qui vivent en France. C'est pour ça que si je croise Marianne dans une ruelle, je lui enfonce. J'attends que l'État m'attrape, que le juge me prononce la sentence. Ta femme idéale, c'est une poupée gonflable, pincement féfé, je t'en fais une rolling, regarde, j'ai les trésors de guerre comme un Yougoslave. 9-4, hey, c'est pas de la brosse, power flower, je fume des monstres blancs, sortez les cloques, j'ai des punchlines sous cellophane, c'est comme de la drogue. Sors le boîtier, on fait les gosses, on cause pute, on costume, on costume. Je fais un cassé, je disparais dans les réseaux obscurs. La brigade mondaine, la taupe, les milices. Faites pas les pros, les puristes. Pour financer ma putain de jeunesse, j'ai dû braquer 2-3 touristes. Oh, j'suis avec mes boulets, rien comme au Liberia. On est armés. On a trop déboursé, remboursé les coffres, on est venu pour les forcer. Les huissiers, les factures, les impôts sur le dos, la police, les soucis. La routine, les potos, on ont pris les longues peines tombées dans l'oubli. J'suis avec mes boulets, rien comme au Liberia. On est armés. On a trop déboursé, remboursé les coffres, on est venu pour les forcer. Les juicies, les factures, les impôts sur le dos, la police, les soucis. La routine, les potos ont pris longue peine tombée dans l'oubli. Yeah. Refrais, je suis frais comme un bébé congelé. Quand je sors de ma tranchée, faut que le rap français prenne des congés. Madame Météo est une femme fontaine sans lunettes de plongée. Mets des sous de côté avant que l'État vienne t'étranger. La prison, c'est l'impôt du dealer. Deux balles dans la tête de ce rap game, de tapette. Blabla, dis-moi qui veut la peau du killer. MC égorgeur, je suis venu taper du coin. Cherche pas Mehdi à 14h. Il est au café du coin. On est venu casser du groin car il y a du facho dans l'atmosphère. Je fais trop de punchline, je donne de la viande cachère à des facochères. Traqué par le commissaire car j'ai la méduse posée sur les branches. Pas facile tous les jours pour les babtous qui vivent en France. D'un jour, à l'opinel, des cicatrices, on brûle au vitel que dans le pastis. Le rap game, c'est Walking Dead que des hitshots sur MC Factice. Je suis timbré la chatte à la factrice. Yop la boum, on est les rois du pain de C4. Pas du pain d'épices. À l'opinel, cicatrices, on brûle au vitel que dans le pastis. Le rap game, c'est Walking Dead que des hitshots sur MC Factice. J'suis timbré la chatte à la factrice. Yop la boum, on est les rois du pain de C4, pas du pain d'épices. Blacks. Au-dessus des lois comme Manuel Valls, la gravité t'éloigne de l'espace. Réserve une place pour ma plus belle balle. Je prie pour les miens, touchez-vous, le faites vous mes basses. Mes basses. Si j'suis ici, c'est pour les fumer, négan. Si je suis ici, c'est pour les fumer, nègre. Wow. Ah, t'es à bois dans les bacs sur iTunes. Si pour les fumer, nègre. Je prie pour les miens, touchez-vous et faites-vous mes passes. Joke avec Seth Gecko, avec Rimka pour Sphinx à l'instant sur Skyrock. Yes. Et puis l'album Ateyaba qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Album depuis aujourd'hui. Qu'on va découvrir. Depuis peut-être la semaine dernière aussi. Et avec quelques-uns dans les bacs. Il paraît. Je sais pas comment ça s'est passé. C'est dingue. Ça s'est passé. Ça va tellement vite maintenant que. Ouais. Bon, en tout cas, là, il est bien là. Vous pouvez vous le récupérer et nous dire ce que vous pensez de cet album avec le hashtag Joke sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Et ben, on peut y aller maintenant pour le live Joke. Major en l'air. Major en l'air, c'est parti. C'est parti. Major en l'air, Skyrock, vous êtes prêts ou pas? Mon négro Azura, balance-moi ça, s'il te plaît. T'es rappé. Major en l'air. Un. Major en l'air. Un. Major en l'air. Trois, deux, un, majeur en l'air, maman majeur en l'air, négro, majeur en l'air, maman majeur en l'air. On a pas élevé les cochons ensemble, pas soulevé des cochons ensemble. Wax Hollande et pour mon ensemble, baisse le rap français dans son ensemble. L'état français, je fais sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro, pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Négro, si tu veux compter de la monnaie, passe moins de temps à compter tes heures. Que le rap pourrisse dans son cercueil, le prince lui fera porter des fleurs. Envoie ta chagata avec des cœurs, avec l'argent la vie c'est meilleur. On t'aide à devenir un bon cadavre, si tu es un mauvais payeur. Si elle aime pas le rap, Marie-la-rila, Rabampé, Marie-la-vila, Cigario, Vanilla-nila, sur la moule, Anabila-bila, hey. Bila-bila, j'ai bon fond, Alay, Bila-bila, terroriste au cristal, parce que je vais faire péter le cristal, on est sur les nerfs. On aime pas ça, non, qu'on efface la tête, on aime pas ça, nique les paramètres, négros sont là, négros sont là, MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. Déçois pas les tantines, j'compte toujours mes centimes. On fait nos bails sans fil et sans fille, sans téléphone, sans fil. Le prof d'histoire m'a menti, ta pétasse t'a menti. J'te dirais bien que j'cracherai pas tu mes gros. J'veux pas te mentir, monde garanti à vie mais ma vie n'est pas garantie. J'te laisse passer devant, j't'ai mal ton cul, j'encule la galanterie. C'est qu'une question de temps, j'enlève le lent, transforme ça en gâterie. Car Kélibi sur une Marseillaise, enfant de la patrie. Renoir, si tu payes en casse, t'auras sûrement pas de reçu. Les bâtards jouent de la flûte, les putes vont s'asseoir dessus. Plus virulent que le sida, pilote de l'Inde Al-Qaïda. Encore plus sombre que Darbadoa, le père du fils Arachida, Ida, Ida. On aime pas ça, on aime pas ça, qu'on efface la tête. On aime pas ça, on aime pas ça, nique les paramètres. Négros sont là, mais négros sont là. Négros sont là, MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. Athée à bas dans les putains de bacs, négros. Majeur en l'air. Aïe. Aïe. Majeur en l'air. Shout out à Thérapie. Thérapie. Hey. LMG, EMG. Chier. Athée à bas dans les bacs. Sur iTunes, maman majeur en l'air. Joke sur Skyrock, sur Twitter. Maman majeur en l'air. Joke easy. J-O-K-E-E-Z-Y. Prêt. Yeah. Va en motherfucker. Maman majeur en l'air. Ok. Majeur en l'air à l'instant en live dans l'émission, vous le retrouvez les aussi sur, en l'air. Vous le retrouvez sur l'album Ateyaba qui est sorti aujourd'hui, produit par Thérapie ce son. C'est ça. Un petit mot d'ailleurs sur les producteurs, il y a Blastar qui est là, on l'a dit, toi aussi. Il y a beaucoup de producteurs. Toi aussi, il y a beaucoup de monde dessus. Ouais, il y a beaucoup de monde dessus, il y a Blastar, Thérapie, Richie, on a parlé d'eux. Il y a Legnifreg aussi. Legnifreg, c'est un gars avec qui je bosse depuis très longtemps en fait. Depuis Prêt pour l'argent 1.5. En fait, c'est un pote à moi avant qu'on bosse ensemble. Donc, il y a Legnifreg qui a bossé sur Black Card avec Blastar, qui a fait 4 pattes, qui a fait Pharaon. Il y a aussi des mecs qui s'appellent David Freak, des Kenry, qui ont produit Ateyaba et Mineis. Il y a aussi... aidez-moi un peu, non? J'ai le mal. Bon, pour en parler dans la semaine, on a toute la semaine. Donc, toute la semaine, on en parle. Icaz, JC, Midsizer. Voilà. Classified, je crois. Il y a iClassified aussi, mon gars de Montréal, shout out à lui. ID Labs aussi. Amistad. Il devait y avoir Joey aussi, mon gars, sûr. Mais bon, ouais, ça sera pour la prochaine fois. Pour le deuxième album. Deuxième album, si Dieu veut. Alors, on va en profiter de celui-ci, il s'appelle Ateyaba, toute la semaine, entre 20h et 21h, avant de se dire au revoir pour ce soir. Il est grand temps de faire tourner la roulette tout de suite. Skyrock. Sans place, Kev Adams en exclu. À choper maintenant sur Skyrock. Salut Cécile de Dardy, dans le 6-9. Bonsoir. Salut Cécile, ça va? Je te présente Joke. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ça va ou quoi? Quelle petite voix toute. Non, m'a impressionné. Sensuelle. En fait. Cécile, tu es prête à faire tourner la roulette? Oui. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, on y va. Et ça va s'arrêter pour toi, Cécile, sur la case, c'est... Et ben voilà, c'est fait. Deux places pour aller voir Kev Adams en tournée avec Skyrock dans toute la France, dans tous les Zéniths, c'est pour toi. Yes ! Merci beaucoup. On t'envoie ça, Cécile. Petit dédicace, petit message ? Oui, dédicace. Eh ben, on t'écoute. Alors, dédicace à mon chéri, Diffré, l'attaquant valable, le seul et l'unique, Made in Bangui la requête, à ma Choubidou et à ma Jumelette, à mes enfants, et rigolez pas, non, à mes enfants, Made in Mikaelorine, à mes parents et à toute la SRG Football. Non, non, mais c'est, je trouve ça très beau d'avoir comme prénom la requête. c'est Alice Rêveur, c'est bien. Ouais. C'est très rêveur. Tout se passe bien à la maison. Ok, merci Cécile. Passe une bonne soirée avec la roquette à la maison. On t'embrasse. La roquette du très sale. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le seul et l'unique. On t'a déjà appelé la roquette, Joke, ou pas, non, non, non, non. C'est la fusée, frère. T'as pas eu droit à la roquette encore? Non, non. Bon, bah écoute, je te le souhaite. Merci Cécile, on te fait un bisou. Merci beaucoup. Bisous à tous. Passe une bonne soirée. Et ben, c'est fini pour ce soir. Demain, de retour. Demain de retour avec du sale encore. Ouais. Demain on s'énerve, demain Fred. On va saluer donc Joke Bibs qui était là aussi avec nous au micro. Monsieur Blasta. Demain il y a Dossé qui vient demain. Demain Dossé, Oumar, tu seras encore dans le coin, je pense. Team 228. Voilà. Merci à vous tous. Ateyaba dans les bacs. Ateyaba est dans les bacs. Blastar, tu reviens dans la semaine ou Ouais, je vais revenir dans la semaine. Tu reviens dans la semaine Avec quelques petits dossiers, quelques. Ouais, parce que là, on est lundi, on y va tranquille, mais on va. C'est nous qui avons des dossiers sur lui. Ah oui, j'avoue. On a des trucs chauds sur lui. Très chaud. Bon, après, j'en ai aussi sur un peu tout le monde. Après, je sais pas. En fait, tout ça, c'est le voyage à New York. Et bien, on en parlera cette semaine du voyage à New York. On en parlera cette semaine. On laisse ça à New York au bas. Nous aurons des témoignages de New Yorkais, surtout New Yorkaises, qui viendront témoigner dans la semaine. Ne loupez pas. Ce sera entre 20h et 21h sur Skyrock. Dans la merde. Et là, on va retrouver D-Fool maintenant. Eh oui, on est là. Et toute l'équipe? Eh ben, toute l'équipe est là, Fredo. Mais je sais, je vous ai vu passer. Salut, Joe. Il y a du monde qui t'attend en bas. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah oui, il y a du monde qui t'attend. Salut d'ailleurs tous ceux qui t'attendent et qui écoutent Planète Rap en bas de la radio, là. On vous salue tous. Je sais pas, tu les as pas vus en arrivant tout à l'heure? J'en ai vu quelques-uns. Ouais, ouais, bah, il y en a d'autres. Eh ben, il y en a d'autres. Ils sont pas en retard, ils t'attendent depuis tout à l'heure. Ok, au calme, on va les voir. Joke le retour, demain, 20h, 21h sur Planète Rap, avec toi, Fredo. Oui. Joke le retour, et puis Radio Libre, le grand retour après le week-end. On est là, on arrive dans 5 minutes, on arrive avec Jason Derulo et Snoop Dogg pour démarrer. C'est bien ça. Parfait. C'est Wiggle Wiggle. Et puis toute l'équipe qui est là évidemment. Et vous tous, et oui. Et ouais, de toute la France, vous nous appelez, vous débarquez ici. À demain Joe, à demain Fred. Et pas demain. Et ciao, on arrive dans 2 minutes là sur Skyrock. À toutes. Avec Jason Derulo et Snoop Dogg.